à jolie caresse, à l'hypocrisie. Mais il est trop tard pour me baiser la gueule. Trop tard pour me baiser la gueule. Garçon moderne, comme ça qu'on s'appelle. Garçon moderne, et pas n'importe lesquels. J'ai donné un coup, un jeune coup de piague, c'est pas très méchant. En plein dans la gueule du vieil Occident qui voulait violer un jeune délinquant. Garçon moderne, c'est comme ça qu'on s'appelle. Garçon moderne, pas n'importe lesquels. Allô, police, allô, police. À moitié commis, à moitié coupable. Mais il est trop tard pour me baiser la gueule. Trop tard pour me baiser la gueule. Garçon moderne, c'est comme ça qu'on s'appelle. Garçon moderne, et pas n'importe.